بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. On continue donc la lecture et le commentaire de ce livre bénéfique, Kitab al-Tawhid, le livre de l'unicité de l'imam Mohammed ibn Abdel Wahhab, rahimahullah. Donc l'auteur qui dit, rahimahullah, « Babu ma ja'a fi man lab yakna' bil halifi billah » Le chapitre concernant les textes liés à celui qui n'est pas convaincu par le fait de jurer par Allah. « An ibn Umar radiyallahu anhuma » أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تحلفوا بآبائكم من حلف بالله فليصدق من حلف بالله فليصدق ومن حلف له بالله فليرضى ومن لم يرضى فليس من الله رواه ابن ماجه بسند حسن. Et donc Ibn Omar radiallahu anhuma qui dit que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: ne jurez pas par vos parents. Donc le fait de jurer en disant par la vie de ma mère, la vie de mon père ou des choses comme ça. Ne jurez pas par vos parents. Et celui qui jure par Allah alors qu'il soit véridique, qu'il dise la vérité, tu n'as pas le droit de mentir. Et tu as encore moins le droit de mentir en jurant par Allah tabaraka wa ta'ala. Et celui à qui on jure, une personne vient te voir et te dit: Wallahi, j'ai fait telle chose. Wallahi, j'avais dit telle chose. Wallahi, je l'ai dit. Et donc, celui à qui on jure par Allah alors qu'il l'accepte. Et donc, tu dois croire la personne. Et celui qui n'accepte pas, alors cela ne vient pas d'Allah. Cela ne vient pas d'Allah, rapporté par Ibn Majah avec une bonne chaîne de transmission. Alors, attends, il faut une explication. Là. L'explication vient tout de suite. D'accord. Et donc, dans l'explication, on a premièrement le fait que lorsque le musulman il jure, il doit être mouahid, monothéiste. Il ne jure que par Allah, tabaraka wa ta'ala. Et le fait de jurer n'est permis que par Allah ou les attributs d'Allah. Tu peux aussi jurer par les attributs d'Allah, tabaraka wa ta'ala, wa izzatillah, par la puissance d'Allah. Donc, par la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala, etc. Tu peux jurer par Allah ou par ses attributs. Et concernant le fait de mentir, lorsqu'une personne va jurer, alors ça fait partie des grands péchés, barakallahu fik. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit comme dans Sahih al-Bukhari, man halafa bi yamini sabrin ليقتطع بها مال امرئ المسلم لقي الله وهو عليه غضبان. Celui qui jure en mentant afin de priver un musulman d'un droit, alors celui-ci rencontrera Allah tabaraka wa ta'ala alors que celui-ci sera courroucé. Et donc il est important que le musulman comprenne que si les gens l'ont cru, si les gens te croivent parce que tu as menti, cela n'était nullement profitable, cela n'était pas profitable. Et qu'il est impératif que tu te repentes de cela. Le péché fait partie des grands mensonges et encore plus des grands péchés. Le mensonge fait partie des grands péchés et encore plus le fait de mentir en jurant. Et ensuite, concernant le fait de croire la personne qui vient te voir en jurant par Allah. Alors ici, les savants nous disent, premier cas, celui qui va venir te voir en jurant par Allah et on sait que cette personne, elle est véridique. Cette personne, elle est véridique. Il n'y a aucun élément qui montre que la personne a menti. Alors là, ici, la personne qui est véridique et dont on sait qu'il n'y a aucun élément qui montre que la personne a menti, alors là, tu dois accepter cette parole. Après, elle vient te voir, elle te dit « Wallahi, j'ai fait telle chose. » Tu acceptes. Et maintenant, dans un autre cas, une personne qui est connue pour le mensonge. Hein? Une personne qui est connue pour le mensonge, pour le péché, etc. Et elle vient te dire, Wallahi, mille fois, je l'ai fait. Les enfants, s'il vous plaît, merci. Faites attention à vous. Et donc, si cette personne vient te voir en jurant, là les savants ils disent, tu n'as pas l'obligation d'accepter. tu n'as pas l'obligation d'accepter. Puisque là, il y a des éléments qui te montrent que cette personne n'est pas digne de confiance. Allah tabaraka wa ta'ala qui nous dit dans son livre, « Ya ayyuha alladhina amanu, ô vous qui avez eu la foi, in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. » Si un fasiq, c'est-à-dire un grand transgresseur, il vient à vous avec une information, alors vérifiez. Vérifiez. Là, tu sais que cette personne-là, lui, c'est un transgresseur. Il ne craint pas Allah, tabaraka wa ta'ala. Il peut te dire, Wallahi, j'ai fait. Il va te le dire 1000 fois. Et toi, tu vas dire, ah, c'est bon, il a dit, Wallah, j'accepte. Non. Et donc, vérifie. Si tu vois que la personne fait partie des transgresseurs et qu'il y a des signes qui montrent que la personne est dans l'erreur, alors non. Taïeb. Ensuite, l'auteur qui nous dit, Baboun, qawlu ma sha Allah wa shi'it. Et donc la parole, donc le chapitre concernant la parole, Masha Allah wa shi'it. Et donc Allah a voulu ainsi que toi. An Qutayla, anna yahoudiyan ata nabiyya sallallahu alayhi wa sallam fa qala innakum tushrikun. Taquluna Masha Allah wa shi'ta wa taquluna wal Ka'ba. Fa amarahum an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam idha aradu an yahlifu an yaqulu wa rabbil Ka'ba. وأن يقولوا ما شاء الله ثم شئت رواه النسائي وصححه. Et donc Qutayla qui dit que un juif est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui a dit vous faites du polythéisme. Un juif vient voir le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, le dernier des prophètes, le meilleur des prophètes, il vient le voir et lui dit vous faites du shirk. Vous dites Masha Allah ou Ashit. Vous dites Allah veut et toi tu veux. Et vous dites Wal Ka'ba. Vous dites Wal Ka'ba. Vous jurez donc par la Ka'ba. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a ordonné, l'a donné à qui? Aux croyants. Que s'ils juraient, ils devaient dire Wa Rabbil Ka'ba, par le Seigneur de la Ka'ba. Et qu'ils devaient dire Masha Allah. Allah a voulu et puis toi tu as voulu. Puis toi tu as voulu. Rapporté par An-Nasa'i qu'il a jugé correct. Et donc il y a dans ce hadith, barakallahu fikoum, encore une fois de plus, le fait que le croyant en Allah tabaraka wa ta'ala est un monothéiste pur. Dans sa parole, il fait attention à être monothéiste, à n'accorder à Allah tabaraka wa ta'ala aucun égal. Il ne jure que par Allah tabaraka wa ta'ala. Et concernant donc les éléments dont Allah tabaraka wa ta'ala et ses créatures vont être associés dans le sens, alors ils vont faire attention à la manière dont ils parlent. Ils ne vont pas dire Allah a voulu et toi tu as voulu. Parce qu'effectivement, Allah tabaraka wa ta'ala a donné à l'être humain la volonté et la capacité de vouloir. Mais cela ne veut pas dire que la volonté de l'être humain est égale à la volonté de l'homme. Cela ne veut pas dire que la volonté de l'être humain est égale à la volonté du Créateur. Et donc tu ne vas pas dire Allah a voulu et toi tu as voulu. Mais Allah a voulu puis toi. Masha Allah, thumma shi'it. Et donc nous devons faire très attention à la façon dont nous parlons et à respecter la grandeur d'Allah tabaraka wa ta'ala. Il y a dans ce hadith le fait d'accepter la vérité venant de la personne qui t'amène la vérité. Même si c'est un juif, un chrétien, je ne sais pas quoi, comme autre religion, peu importe la religion de la personne. La personne vient te voir avec une vérité. Oui, c'est vrai, c'est la vérité. Et souvent, je donne un exemple. Aux frères de France, je leur donne un exemple. Une parole venant d'un incroyant qui est une vérité, qui dit la France tu l'aimes ou tu la quittes. C'est vrai. C'est un incroyant, mais c'est vrai. La France tu l'aimes ou tu la quittes. Est-ce que tu aimes la France? Alors voilà, choisis. Et donc c'est important. C'est important, barakallahu fikoum, que le musulman, il accepte la vérité, peu importe celui qui la ramène. On a ici, dans un hadith, donc, Abu Hurayra radiallahu anhu, Il a vu donc plusieurs fois donc un shaitan qui est venu le voir en lui citant que s'il récitait Ayat al-Kursi, alors là, le shaitan n'aurait pas pu s'approcher de lui. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Abu Huraira a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam concernant cela. Le prophète il lui a dit « Sadaqaka wa huwa kadhub ». Il t'a dit la vérité et c'est un grand menteur. Donc c'est un grand menteur, mais là il a dit la vérité. On accepte. Même elle est venue de Shaitan, on accepte. Parce que c'est la vérité. Et donc c'est important que le croyant, il accepte la vérité. Même si la vérité, elle vient d'une personne qui est plus jeune que lui, ou plus âgée que lui, ou plus pauvre que lui, ou plus riche que lui, ou plus éduquée que lui. Peu importe le niveau de la personne, ou la religion de la personne qui t'amène une vérité, tu dois accepter la vérité. Il y a dans cela le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne donne pas un jugement sans que il n'ait donc la révélation venant d'Allah tabaraka wa ta'ala. Ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'a pas interdit aux musulmans de dire Masha'Allah wa shit et de dire Wal Ka'ba avant que l'interdiction ne vienne. Avant que l'interdiction ne vienne. Car Allah tabaraka wa ta'ala a situé graduellement les interdictions et les obligations. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il ne citait que ce que Allah tabaraka wa ta'ala lui informait. Et donc pareillement, celui qui va enseigner, celui qu'on va interroger, il ne doit pas parler sans science. Ah, ça c'est halal. Ah, ça c'est haram. Ah, ça c'est halal. Ça c'est haram. Ça c'est interdit, barakallahu fikoum. Wala taqulu bima tasifu al-sinatukum al-kadhiba hadha halal wa hadha haram. Litaftaru 'ala Allah al-kadhib. Inna alladhina yaftaruna 'ala Allah al-kadhiba la yuflihun. Ne dites pas de ce que vos langues prononcent de manière mensongère. Ça c'est halal, ça c'est haram. Hein, les gens qui se précipitent, ils ne savent pas, il n'a pas de connaissance, il ne sait pas si c'est halal ou haram. Mais il a l'impression, franchement, on veut le voir, haram. C'est haram ça. Ou c'est halal ça. Il donne un jugement. Lorsque tu dis c'est halal, ça veut dire Allah l'a rendu licite. Si tu as menti, tu as menti sur Allah. Lorsque tu dis c'est haram, ça veut dire Allah l'a interdit. Si tu as menti sur Allah. Et donc c'est important qu'on fasse très très attention à ne pas parler sans science. Il y a aussi dans ce hadith un point important hein, que j'avais déjà cité dans cette mosquée, c'est que, subhanallah, on peut trouver une personne déviante qui dit quelque chose de vrai. Une fois, j'avais vu un livre ici que je voulais donc enlever de la mosquée. Et là, on m'a dit, mais subhanallah, tout ce qui est dans le livre est faux. Tout ce qui est dans le livre est faux. Non, j'ai pas dit ça. J'ai pas dit que tout ce qui est dans le livre est faux. D'ailleurs, les savants, ils nous disent, si vous pensez que tout ce que dit un innovateur est faux, c'est que vous ne connaissez pas correctement la religion. Un innovateur, il ne va pas venir avec que du faux. Sinon, personne ne va le suivre. Il va venir avec du faux, sa croyance déviante, et aussi des choses correctes. Et c'est avec ces choses correctes qu'il va réussir à tromper les gens. Comme le font les sorciers, les voyants. Hein? Il a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam que les djinns, et donc ils se mettent les uns sur les autres pour entendre les informations venant du ciel. Lorsqu'il y en a un qui entend une information venant du ciel, alors là un météore lui est envoyé. Et avant que le météore ne parvienne à lui, il essaie de transmettre l'information qu'il a entendue à un autre, qui la transmet ensuite à leur allié parmi les hommes, les sorciers, les voyants. Et donc ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit qu'avec cette vérité qu'ils ont eue, ces sorciers-là, ils vont faire sans mensonge. Il va dire une vérité sans mensonge. Les gens vont croire les sorciers à cause d'une vérité. Il a dit que j'étais né le 23 août à l'hôpital de Trinité. Comment il a fait pour avoir cette information? Ah oui, il a dit vrai. Ça veut dire que peut-être qu'effectivement, une vérité, il a dit, sans mensonge derrière, les gens n'accordent pas d'importance au sans mensonge. Et donc ce sorcier-là, de la même manière qu'il a eu une vérité, tu penses que le Moubtadir, l'innovateur, il n'est pas capable de venir avec une vérité? Oui, il va venir avec une vérité. Mais nous, lorsqu'on vous dit de ne pas prendre de tels livres, ça ne veut pas dire que tout le livre est faux. Ça veut dire que dans le livre, il y a du vrai mélangé au faux. Dans le livre, il y a du vrai mélangé au faux. Dans la Bible, les frères, dans la Bible, il y a du vrai. Dans la Bible, si tu vois, il y a certains passages de la Bible qui sont vrais. Lorsque tu vois que Allah tabaraka wa ta'ala, c'est lui qui a créé les cieux et la terre, c'est vrai. Tu ne vas pas dire non, c'est faux parce que c'est dans la Bible. Non, s'il y a des passages qui sont vrais, on les accepte. Et malgré cela, on dit aux musulmans de ne pas lire la Bible. Pourquoi? Pour ne pas prendre des ambiguïtés. Pareillement pour les livres écrits par des innovateurs. Il a écrit un livre, il est innovateur, il croit qu'on ne doit pas, on doit rejeter les attributs, etc., etc. C'est un livre sur Al-Adhkar, les invocations du matin et du soir. Est-ce que tu le prends? Non, tu ne prends pas. Pourquoi? Parce que c'est possible qu'il ait mélangé le vrai et le faux. Et donc c'est important, barakallahu fikum, jazakumullahu khairan, de faire attention à notre religion. Ensuite, l'auteur qui nous dit وَلَهُ أَيْضَنَا عَلِمْنَا عَبَّاسِ رَجَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِلنَّبِيِّ صَلَى اللَّهُ وَسَلَّمَ مَا شَاءَ اللَّهُ وَشِئْتْ فَقَالَ أَجْعَلْتَنِ لِلَّهِ نِدًّا بَلْ مَا شَاءَ اللَّهُ وَحْدَهُ. Et donc, Ibn Abbas رَجَ اللَّهُ عَنْهُمَا qui rapporte que le messager d'Allah صلى الله عليه وسلم a dit, un homme a dit au messager d'Allah, Allah a voulu et toi aussi. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu en disant, est-ce que tu m'as placé comme égal à Allah? Mais non, mais plutôt il faut dire, Masha Allahu wahdah, Allah est le seul donc à avoir voulu cela. Allah est le seul à avoir voulu cela. Il y a dans ce hadith, les frères, le fait de faire le reproche à la personne qui est dans l'erreur. Parfois on est gêné. On est gêné de faire un reproche. Une personne, elle fait quelque chose qui n'est pas correct. Et nous, on va être gêné de dire à la personne, « Akhi, ce que tu as fait n'est pas bien, etc. » Pourquoi? Parce qu'on ne veut pas déranger la personne. Mais si tu es sincère et véridique, tu veux le bien de cette personne, tu ne veux pas laisser cette personne dans le faux, parce que toi, tu ne veux pas qu'on te laisse dans le faux. « La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi » Aucun d'entre vous n'aura correctement la foi tant qu'il n'aimera pas pour son frère ce qu'il aime pour lui-même. Et donc tu vois ton frère dans une erreur, conseille-le, ne le laisse pas comme cela. Il y a ici dans ce hadith un point important, c'est qu'on ne regarde pas l'intention de la personne. On ne regarde pas l'intention de la personne. Ici, est-ce que ce compagnon, est-ce que cette personne qui allait voir le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et qui lui a dit « Masha Allahu Ashit », est-ce qu'elle avait l'intention de placer le prophète en égal à Allah? Non, elle ne veut pas ça. Celui qui veut ça, il sort de l'islam. Il sort de l'islam. Il ne voulait pas que le prophète soit en égal à Allah. Mais le prophète n'a pas regardé son intention. Il lui a dit « Ejjel tani lillahi nidden ». Est-ce que tu m'as placé en égal à Allah? Ça veut dire, ne me place pas en égal à Allah. Et donc, il n'a pas regardé son intention. Les savants, ils nous disent, Kosduka fibotnik. Ton intention, elle est en toi. Elle est à l'intérieur de toi, ton intention. On n'est pas concerné par ton intention. Nous, on est concerné par ce qui nous est apparent. Beaucoup de personnes, tu leur donnes un conseil. Oui, mais je ne voulais pas ça. Achi, je ne t'ai pas demandé ce que tu voulais. Je t'ai demandé ce que tu as fait. Je t'ai demandé ce que tu as dit. J'ai dit tel, mais je ne voulais pas. Oui, je sais très bien, parce que si tu voulais ça, tu serais sorti de l'islam. Mais tu as dit une parole qui est grave. Accepte le conseil, l'histoire est réglée. Mais je ne voulais pas. La ilaha illallah. Et donc souvent les gens ils viennent avec ça. Mon intention n'était pas ça. On t'a pas demandé concernant ton intention, mais concernant ce que tu as dit. La parole que tu as prononcée est fausse. Comme, je vous donne un exemple, la personne qui va venir à la mosquée avec un t-shirt Nike, avec la virgule comme ça. Et que tu dis à la personne, Ya akhi, barakallahu fik, est-ce que tu connais l'origine de cette marque? Est-ce que tu connais l'origine de cette marque? Non, en général les gens ne connaissent pas. D'accord, eh bien je t'explique. L'origine de cette marque, c'est par rapport à une divinité, Nika ou quelque chose comme cela, divinité grecque, signe de force, de puissance, de rapidité, etc. Et cette virgule représente l'aile de cette divinité. Et donc, je te conseille par la chlorophique de retirer ce vêtement. Oui, mais moi, quand je mets ça, je n'ai pas l'intention de croire en la divinité. Je ne crois pas moi en cette divinité. Moi, c'est Nike, c'est la marque. On ne t'a pas demandé concernant ton intention. De la même manière que si tu étais venu à la mosquée avec une croix sur toi, hein, et qu'on t'aurait dit, Harry, une croix sur toi, nanana, nanana, tu nous aurais dit, mais j'ai pas l'intention d'adorer Jésus quand je mets la croix. On t'aurait dit, Harry, c'est une divinité. Ce truc-là, il est adoré. Les chrétiens, ils adorent la croix. Alors, enlève ça sur toi. Tu ne vas pas nous dire, non, mais j'ai pas l'intention. On va te dire, ton intention est en toi. Cause du café botnique. Et donc c'est important qu'on comprenne, parce que les gens se concentrent trop sur ce sujet, mon intention, mon intention, mon intention. Non, tu es jugé concernant ton intention et concernant tes agissements, concernant les deux. Ce n'est pas parce que tu as une intention que ça veut dire que tu peux te permettre de faire ce que tu veux. D'accord? Et donc ensuite, l'auteur qui nous dit, Walid Noumadja. عن الطفيل أخي عائشة رضي الله عنها لأمها. Et donc d'après الطفيل, qui est le frère de عائشة رضي الله عنها du côté de sa mère. قال رأيت كأني أتيت على نفر من اليهود. قلت إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون عزير ابن الله. قالوا وأنتم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون Masha Allahu wa sha'a Muhammad. Et donc à tout fait, il dit que, en fait, il a rêvé. Il dit que Anni, Ra'aytu ka Anni. Et donc, je me suis vu. Donc, comme si j'allais voir des gens parmi les juifs. Un groupe de juifs. Alors, je leur ai dit, certes, vous êtes la Antumul Qawm. C'est-à-dire, vous êtes les gens. C'est-à-dire, c'est une éloge. C'est une éloge. Vous êtes les hommes. Sauf que vous dites que Uzair est le fils d'Allah. Ça, c'est un défaut chez vous. Donc, il a vu ça dans son rêve. Et eux, ils lui ont dit, et vous, vous êtes les hommes. Vous, les musulmans, vous êtes les hommes. Sauf que vous dites, Masha'Allah ou Masha'a Muhammad. Vous dites, Allah a voulu et Muhammad a voulu. ثم مررت من بنفر من النصارى فقلت انكم لانتم القول لانتم القوم لولا انكم تقولون المسيح ابن الله قالوا وانكم لانتم القوم لولا انكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد. Et ensuite je suis passé vers un groupe de chrétiens et je leur ai dit, vous êtes les hommes, sauf que vous dites que le Messie est le fils d'Allah. Et eux, ils m'ont dit, et vous, vous êtes les hommes, sauf ce que vous dites, Allah a voulu et Mohammed a voulu. فَلَمَّا أَصْبَحْتُ أَخْبَرْتُ بِهَا مَنْ أَخْبَرْتُ ثُمَّ أَتَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَأَخْبَرْتُهُ. Et donc, il dit, et lorsque je me suis réveillé, donc à l'aube, j'ai informé certaines personnes, puis j'ai informé le prophète صلى الله عليه وسلم de cela, et il a dit, هَلْ أَخْبَرْتَ بِهَا أَحَدًا. Est-ce que tu as informé quelqu'un de cela? J'ai dit oui, j'ai informé des personnes de cela. قال فحمد الله وأثنى عليه ثم قال أما بعد فإن طفيلا رأى رؤيا أخبر بها من أخبر منكم وإنكم قلتم كلمة بما كلمة يمنعني كذا وكذا أن أنهاكم عنها فلا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد ولكن قولوا ما شاء الله وحده. Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a alors fait les éloges d'Allah et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a alors loué Allah et a fait ses éloges. Et ensuite il a dit, ceci étant dit, certes Tufail a fait un rêve et il en a informé à certains d'entre vous. Et que dans ce rêve, et donc ici, vous dites une parole et qu'il y a telle et telle chose qui m'empêchait de vous interdire cette parole. Alors ne dites pas Masha'Allah ou Masha'Muhammad. Alors ne dites pas ceci est ce qu'Allah a voulu et ce que Muhammad a voulu. Mais cependant dites, certes, c'est ce qu'Allah seul a voulu. Et donc ici, barakallahu fikoum, dans certaines narrations, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a cité ce qu'il a empêché de leur interdire. Il a dit, innahu kana yamna'uni an anhaakum al-haya. Et donc dans certaines narrations, il dit que ce qu'il a empêché de parler et ce qu'il a empêché d'interdire aux compagnons de dire Masha'Allah wa Sha'a Muhammad, c'est al-haya, la pudeur. Qu'est-ce que vous avez à dire par rapport à ça? La pudeur. Est-ce que c'est louable ou blâmable de ne pas dire aux gens que ce qu'ils font est interdit par pudeur? Ça dépend comment ça s'est fait. La pudeur... Par pudeur, non, par gêne. Par gêne, c'est pas bien. C'est pas blâmable. C'est pas blâmable. On est d'accord. Et donc, est-ce qu'on peut attribuer ça au prophète sallallahu alayhi wa sallam? Le fait qu'il n'ait rien dit par pudeur. Ouais. Non. Bah, il sait pas. Non, alors, en fait. On peut pas attribuer ça au prophète. Et donc, en fait, ici, il y a deux compréhensions. Les savants nous disent si, dans la pudeur, il se peut que la personne, elle. Ne donne pas un conseil à une autre par gêne. Elle est gênée de la personne, etc., etc. Et donc ça, c'est impossible concernant le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Car il a transmis la vérité. Il a respecté l'ordre d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et donc ça, concernant le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce n'est pas acceptable. On ne peut pas dire cela. Il y a un autre sens concernant la pudeur. C'est-à-dire le fait, comme j'ai dit tout à l'heure, de parler sans science. La pudeur du croyant le pousse à parler sans science. Il se peut qu'il y a quelque chose, tu vois quelqu'un faire quelque chose, mais toi tu penses que ça c'est haram. Ça. Tu te dis, ça j'ai l'impression que ce truc là c'est haram. Mais t'as pas les arguments. Mais t'as pas encore étudié ce sujet, tu sais pas. Tu dis, Inch'Allah, je vais demander, je vais me renseigner, et ensuite après, si effectivement c'est haram, là je vais conseiller la personne. Ça, c'est de la pudeur louable. Parce que ce n'est pas parce que tu vois quelque chose que tu penses que c'est mal. Tu vas conseiller la personne en pensant que c'est mal. Ne pense pas que tu as fait quelque chose de bien. Mais là, tu es blâmable. Parce que tu as conseillé par ignorance. Et donc, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, comme on a dit précédemment, il ne précédait pas la révélation. D'accord? Et donc, ça, c'est important de le comprendre. جزاكم الله خيرا وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين جزاكم الله خيرا.